Dernier chapitre. Le lendemain, M. de Rosbourg mena encore Sophie chez sa belle-mère. L'entrevue de la veille avait fait une fâcheuse impression sur l'état de la malade. Le curé y était. Il administrait l'extrême onction. Note. Sacrement qu'on administre aux mourants. Fin de note. M. de Rosbourg et Sophie se mirent à genoux près du lit de la mourante. Quand le prêtre se fut retiré, Mme Ficini appela Sophie et, lui prenant la main, elle lui dit d'une voix entrecoupée « Sophie, j'ai un enfant, une fille. Je suis ruinée. Je n'ai rien à lui laisser. Tu es riche. Prends cette pauvre petite à ta charge. Protège-la. Ne sois pas pour elle ce que j'ai été pour toi. Pardonne-moi. Je n'exige rien. Ne me promets rien. Mais sois charitable. Pour mon enfant. Adieu, ma pauvre Sophie. Adieu, ma pauvre, pauvre enfant. Soyez tranquille, ma mère, dit Sophie. Votre fille sera ma sœur, et je vous promets de la traiter et de l'aimer comme une sœur. Madame de Fleurville, qui est si bonne, et Monsieur de Rosbourg, mon excellent tuteur, me permettront d'avoir soin de ma sœur, n'est-ce pas, Monsieur de Rosbourg ? Monsieur de Rosbourg, oui, mon enfant, suis l'instinct de ton bon cœur, je t'approuve entièrement. Madame Ficini, merci, Sophie, merci. Grâce à toi, grâce à ton tuteur, et à ce bon curé, je meurs plus tranquille. Priez tous pour moi, que Dieu me pardonne. Adieu, Sophie. Ton père, pardonne. Je souffre, j'étouffe. Ah ! Une convulsion lui coupa la parole. Monsieur de Rosbourg saisit Sophie, terrifiée, dans ses bras, l'emporta dans la chambre voisine, la remit entre les mains de Mademoiselle Edwige et revint se mettre à genoux près du lit de Madame Ficini, qui ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Il pria pour l'âme de cette malheureuse femme dont la fin avait été si troublée par ses remords. Il dit à un vieux concierge qui habitait le château de prendre avec le curé tous les arrangements nécessaires pour l'enterrement. Puis il vint prendre Sophie pour la ramener chez Madame de Fleurville. « Mais la petite fille, dit Sophie, que va-t-elle devenir ?»« C'est juste, dit Monsieur de Rosbourg. « Mademoiselle Edwige, ayez la bonté de vous occuper de cet enfant jusqu'à ce que nous ayons pris des arrangements pour son avenir. »« Sophie, je voudrais bien la voir, monsieur, avant de m'en aller. »« Monsieur de Rosbourg, à Mademoiselle Edwige. »« Où est-elle, mademoiselle ?»« Mademoiselle Edwige, dans la chambre à coucher, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer. » Ils entrèrent et virent une bonne qui tenait sur ses genoux une pauvre petite fille, maigre, pâle, chétive. « Cette petite est malade, dit M. de Rosbourg. « Elle a toujours été comme ça, monsieur, dit Mademoiselle Edwige. « Le médecin pense qu'elle ne vivra pas. » Sophie voulut l'embrasser. La petite détourna la tête en pleurant. M. de Rosbourg voulut à son tour s'approcher. L'enfant jeta des cris perçants. « Allons-nous-en, dit M. de Rosbourg. « Une autre fois, nous lui ferons peut-être moins peur. » Il partait pour retourner à Fleurville. Pendant que Sophie racontait à ses amis la mort de sa belle-mère, M. de Rosbourg réglait avec Mme de Fleurville l'avenir de la petite fille. « Sophie, disait-il, ne peut pas traiter comme sa sœur la fille d'un galérien et de cette femme qui n'a jamais été pour elle qu'un bourreau. Cette Mademoiselle Edwige me paraît bonne personne, quoique ignorante et bornée. On lui paiera une pension pour l'enfant et pour la bonne. Ils vivront dans un coin du château. » Quand l'enfant sera plus grande, nous verrons, mais je crois qu'elle ne vivra pas. Les prévisions de M. de Rosbourg ne furent pas trompées. La fille de Mme Ficini mourut de langueur peu de mois après, et Mlle Edwige entra comme dame de compagnie chez une vieille dame valaque qui lui faisait donner des leçons de français à ses petits-enfants et qui la garda jusqu'à sa mort en lui laissant de quoi vivre convenablement. Les vacances finissaient. Le jour du départ arriva. Les enfants étaient fort tristes. Jacques et Marguerite pleuraient amèrement. Sophie pleurait. Jean s'essuyait les yeux. Léon était triste. Paul était sombre et regardait d'un air navré. Pleuraient Marguerite et Jacques. Il fallait bien enfin se séparer. Ce dernier moment fut cruel. Monsieur de Trépy arracha Jacques des bras de Paul et de Marguerite, sauta avec lui en voiture et fit partir immédiatement. Marguerite se jeta dans les bras de Paul et pleura longtemps sur son épaule. Il parvint enfin à la consoler, à la grande satisfaction de Madame de Rosbourg, qui la regardait pleurer avec tristesse. « Monsieur de Rosbourg, ton petit ami est parti, ma chère enfant, mais ton grand ami te reste. Tu sais comme Paul t'aime. Entre lui et moi, nous tâcherons que tu ne t'ennuies pas et que tu sois heureuse. » Marguerite. « Oh, papa, je ne m'ennuierai jamais près de vous et de Paul, et je serai toujours heureuse avec vous. Mais je pleure, mon pauvre Jacques, parce que je l'aime, et puis c'est qu'il m'aime tant qu'il est malheureux loin de moi. » Monsieur de Rosbourg. « Mes pauvres enfants, c'est toujours ainsi dans le monde. Le bon Dieu nous envoie des peines, des chagrins, des souffrances, pour nous empêcher de trop aimer la vie, et pour nous habituer à la pensée de la quitter. » Quand tu seras plus grande, ma petite Marguerite, tu comprendras ce que Paul comprend très bien déjà. C'est que pour bien et chrétiennement mourir, il faut bien et chrétiennement vivre, souffrir ce que le bon Dieu nous envoie, être charitable pour tout le monde, aimer Dieu comme notre Père, les hommes comme nos frères. Les vacances étaient finies. Nous laisserons grandir, vivre et mourir nos amis sans plus en parler. Je dirai seulement, à ceux qui ont pris intérêt à mes enfants, que Madame de Rosbourg alla s'installer dans son nouveau château, mais qu'elle continua à voir Madame de Fleurville tous les jours. Que Marguerite et Paul donnaient tous les jours aussi rendez-vous à leurs trois amis, à mi-chemin des deux châteaux. Que l'hiver, ils demeuraient tous ensemble à Paris, dans l'hôtel de Monsieur de Rosbourg. Que Camille fit sa première communion l'année d'après. Madeleine, un an plus tard, qu'elles restèrent bonnes et charmantes comme nous les avons vues dans les petites filles modèles, qu'elles se marièrent très bien et furent très heureuses, que Sophie devint de plus en plus semblable à ses amies dont elle ne se sépara qu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'elle épousa Jean de Rugès, que Marguerite ne voulut jamais quitter son père et sa mère, ce qui fut très facile puisqu'elle épousa Paul quand elle fut grande, et que tous deux consacrèrent leur vie à faire le bonheur de leurs parents. Léon, aussi bon, aussi indulgent, aussi courageux qu'il avait été hargneux, moqueur et timide, devint un brave militaire. Pendant 20 ans, il resta au service. Arrivé à l'âge de 40 ans, au grade de général, couvert de décorations et d'honneurs, il quitta le service et vint vivre près de son ami Paul, qu'il aimait toujours tendrement. Jacques conserva toujours la même tendresse pour Paul et Marguerite. Tous les ans, il venait passer les vacances avec eux. Quand il devint grand, il entra au Conseil d'État, épousa une sœur de Marguerite, née peu de temps après nos vacances, nommée Pauline, en l'honneur de Paul, qui fut son parrain, et qui était en tout semblable à Marguerite, dont elle avait la bonté, la tendresse, l'esprit et la beauté. Il fut toujours un homme charmant, plein d'esprit, de vivacité, de bonté, de vertu. Ils vécurent tous ensemble parfaitement heureux. Les Tourneboul quittèrent le pays et la France pour habiter l'Amérique, avec les débris de leur fortune perdue en luxe et en vanité. Mademoiselle Yolande, mal élevée, sans esprit, sans cœur et sans religion, se fit actrice quand elle fut grande et mourut à l'hôpital. Monsieur Tourneboul, rentré en France et mourant de faim, fut très heureux d'être reçu chez les petites sœurs des pauvres, où il rendit des services en reprenant son ancien métier, de marmiton. Ici se terminent les vacances de la comtesse de Ségur.